Fox Sales, Fox Stop Tout. Fox Sales, Fox J'arrête d'y croire. Fox Sales, c'est trop dur pour un homme, ou plutôt pour moi, de comprendre ce qui ne va pas. C'est trop long et ça fait trop mal, ça m'apporte rien, ça t'apporte rien. On se fait du bien, on se fait du mal. Tape, se déchire sans cesse pour des mots fous. Déchire nos promesses pour des mots doux. Jour comme nuit, j'y repense tout le temps. Ça fait mal et même parfois trop souvent. Tu comprends que ça ne sert à rien. Faut que ça cesse. Et personne n'y changera rien. Faut que ça cesse. Pour qu'on puisse comprendre qu'on s'était. Faut que ça cesse. Pour qu'on puisse s'entendre pour se dire qu'on s'aimait. Faut que ça cesse. Faut stop tout. Faut que ça cesse. Faut j'arrête. Fox Sales, Fox Stop Tout. Fox Sales, Fox J'arrête d'y croire.